Oh, ma démarche, ma parole. Oh, bah, moi, manger, non, pas manger. Quand t'as bougé, ton nom a fait ses clés, ma paix, où c'est la gagne. Oh, ma démarche, ma parole. Oh, bah, moi, manger, non, pas manger. Quand t'as bougé, ton nom a fait ses clés, ma poussée, la dent. Casson, calme, marché, placé. Fonne pas trop, ben, mais manger. Moi, je prends mal les kidés. C'est ça, y'a marché, cherché. Casson, capé, dépensé. Pour y'a joigné, y'a débouché. Pour y'a al marché, loingé. Pour y'a le bon, mais n'est pas lé. Pour y'a al marché, loingé. Pour y'a le bon, mais n'est pas lé. Oh, manger, ma jambe, ma parole. Oh, bah, moi, manger, non, pas manger. Quand t'as bougé, ton homme a baissé, clé, ma paix, c'est la dent. Oh, manger, ma jambe, ma parole. Oh, bah, moi, manger, non, pas manger. Quand t'as bougé, ton homme a baissé, clé, ma poussé, la dent. Quand t'as bougé ton homme a baissé clé, ma paix c'est la dinde. Oh manger la jambe à paul. Oh bah moi manger non pas manger. Quand t'as bougé ton homme a baissé clé, ma poussé la dinde. Deux trois jours y'a le caille dans le temps. Y'a le ramassé pris qu'en plan. Pour y'a mettre dans manger. Y'a dit c'est pour y'a chaveau. 4-5 jours sans bon fait mal. Comme y'a mené dans l'hôpital. Y'a dit quand on désespéré. Wapé mon vivant enflé. Y'a dit quand on désespéré. Wapé mon vivant enflé. Oh manger la jambe à paul. Oh bah moi manger non pas manger. Quand t'as bougé ton homme a baissé clé, ma paix c'est la dinde. Oh ma dieu, la jambe à paul. Oh bah moi manger non pas manger. Quand t'as bougé ton homme a baissé clé, ma paix c'est la dinde. Quand t'as bougé ton homme a baissé clé, ma poussée la dinde.